Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le pire d'aujourd'hui à Assemblage requis. On apprendra des choses importantes ensemble dans la chronique éducative, c'est un fait. Et on établira quelques listes sur des sujets précis dans son foutu palmarès. C'est Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 31 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On est en direct l'Institut de Sifou à Trois-Rivières. Oui, Mathieu. Ça va, JP? Ça va, Mathieu. Tu as fait des exercices avant de faire de la radio, même le matin. Hein? Tu ne veux pas te faire une entorse. Une entorse de la glotte. De la glotte. Une entorse de la glotte. Ouais, c'est ça. Ouais, des glottes. Oui. Oui. bon, bref, content d'être avec toi ce matin. Oui. Pour pouvoir parler de glotte comme ça le matin. Oui. Tout ce qui rime en des rottes. Oui. Des menottes. Des, moi, je passe de la glotte à l'âne. du coq à l'âne. Ouais. Tu vois, c'est, je mets la table pour les deux prochains jours ensemble. C'est ça. Ça va être comme ça pour aujourd'hui et mardi. Pour l'éternité et encore plus. Pour le meilleur et pour le pire, comme on le dit. C'est ça. Donc, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, on n'a absolument personne en studio. C'est le lundi smooth, comme on les aime. Ou comme on l'appellerait, le fameux lundi noir. Lundi noir. Tellement café. Grand et noir comme mon café. Donc, aujourd'hui, on va faire pas mal de C'est un fait. Parfait. C'est ce qu'on aime faire. Oui, parfait. Parfait. Oh, c'est beau ça. Comme chez Dairy Queen. C'est comme un Sunday, oui, exactement. Wow. Et deux belles petites frises. Oh, oui. Entre les jambes. Ça, c'est le mardi à King Sexy Time, excuse-moi. Ouais. Donc, c'est un fait. Et son foutu palmarès. Donc, je sais pas, j'ai pas encore décidé lesquels j'allais faire dans son foutu palmarès. Donc, je n'annonce rien pour l'instant. Parfait. Ouais. Donc, on va faire C'est un fait dans quelques instants. Mais tout d'abord, de la musique. D'accord. Tu devais entrer des Hey Babies, mais tu le verras pas parce que c'est pas écrit dessus. Non, non. Bon, je te dirais que c'est pas mal blanc sur blanc. C'est ça. Ça a l'air un petit peu plat. Ça sonne comme ça. C'est un blanc. Oui. Non, une voici belle journée s'annonce. Les Hey Babies. Oh. Fil de téléphone. À Assemblage requis. Jeudi passé. Encore la même histoire. Ça, je t'ai promis. Quand tu réservais un soir. We'll Fil de téléphone, les Hey Babies, on est en train de parler de poisson avec un rire. Revenez avec un rire. tu sais, la blague de CISM qui change leur son. Là. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur Facebook, CISM, la radio alternative, un peu comme C'est fou, mais à Montréal, fait semblant, en tout cas, selon pas mal tout le monde, de changer de son pour devenir un petit peu plus pop adulte comme le public le veut. Grand public, accessible. C'est une blague qui a été faite mille fois par des radios comme les nôtres, mais celle-là est très bien réussie, je trouve, oui. Parce que tout le monde la croit. Oui, c'est bien parti. Il n'y a pas beaucoup de détails sur leur site, fait que tu dis que ça pourrait être vrai, mais c'est clair que demain matin, ils vont arriver avec une émission du matin super pop, genre Michael Jackson. Puis quand ils vont se tenir, ils vont faire comme « Hey, poisson d'avril, ben! » Puis ils vont venir à la normale. Ils vont peut-être annoncer quelque chose de nouveau. Je sais qu'il y a un nouveau directeur général là-bas. Peut-être qu'ils vont quand même changer quelque chose, mais pas là-dedans. Sûrement, ça va les faire, ça va les aider côté faire parler d'eux, parce que pas en faisant une nouvelle formule pour la même radio alternative qui aurait vraiment eu de la popularité pour ça. Donc, en faisant semblant, tu sais, que c'est un virage comme ça. Mais t'as parlé du voir entre temps, et j'ai dit une bonne blague pour le voir, ce serait de faire semblant qu'il ramène l'édition papier, comme ah, on vous a eu, on vous a eu. Oui. Oh. Ouais. C'est ce qui nous amène à cet effet. Je continue à rire au bout de ça. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, tout, tout. C'est un fait. Poum, poum. En parlant de c'est un fait, ouais. Je sais pas si t'as vu Monsieur Joel avec Jimmy Fallon. Monsieur Joel, c'est une fille, Joel, dans le temps, les petites chansons pour filles, là, c'était Joel. Jewel? Ça s'appelle pas Jewel? Non. J-E-W-E-L? Non? C'était, en tout cas, bref, Billy Joel, oui, j'ai pas vu encore le sketch de Billy Joel avec Jimmy Fallon. C'était bon? C'est très, très viral, ça. Hein? Oui, ben c'est ça. Je pense que même la vidéo, il y a le mot viral dedans. Genre? Oui, tellement que c'est viral. C'est ça. T'imagines-tu? C'est fait pour ça. Ouais. Non, mais non, c'est très bon, je pense à toi. À chaque fois que je vois Jimmy Fallon, je sais pas pourquoi, je pense à toi. Tu fais bien, j'adore Jimmy Fallon, il est tellement drôle. Oui. Tu sais, c'est un fait, JP. Oui. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, Mathieu. Qu'on fait toutes les semaines, en début de semaine. Commençons, on va c'est vraiment, il n'y a pas de thématique aujourd'hui. Je me suis dit, laisse faire les thématiques. Mm-hmm. Hein? Okay. Une autre fois, on le fera une autre fois. Le mot wiki dans Wikipédia, sais-tu d'où il vient? Wiki, OK. Moi, je dis que c'est quatre mots. Wiki Martin. Wiki... wow! Wiki Balboa. wow! C'est bon ça. Non, c'est pas quatre mots. Quatre mots même, web. Non. Internet. Web, Internet, kangaroos. Indie. Indie. Non, en fait, Wiki, c'est de l'hawaïen. OK, mais bon, on sait qu'il y en a partout sur Internet des wikis. Il y a plein de trucs qui peuvent être faits avec des wikis. Il n'y a pas juste Wikipédia. Mais on voulait savoir justement d'où venait le mot wiki en tant que tel. C'est, en fait, le mot veut dire rapide. C'est de l'hawaïen. Mais le premier wiki vient d'un développeur qui s'appelait Ward Cunningham, qui avait inventé le WikiWikiWeb. Le développement a débuté à Portland, en Oregon, en 1994. Il a été installé sur le nom de domaine c2.com le 25 mars 1995. Cunningham se souvenait, dans le fond, pour l'origine du mot, là, se souvenait d'un employé de l'aéroport international d'Honolulu qui dirigeait les gens vers le WikiWiki Shuttle. Donc, ça, c'est une navette. Et ça l'a empêché d'appeler son site QuickWeb, ce qui était ce qu'il voulait faire à la base. Mm-hmm. Tout le monde se serait trompé avec le lait au chocolat. C'est ça. Je suis prêt à tout aux fraises sur Internet. Ben oui, c'est ça, là. Tu fais quoi, ça? Ah oui? Non, mais là, j'ai peut-être deux jokes. OK, deux blagues. Je sais pas si t'as fini. Est-ce que tu veux garde la bonne pour la fin, hein, parce qu'il faut que tu commences par un petit gag. Après ça, paf! Oui, je défonce. Ça? OK. Mais là, écoute, on a commencé en faisant Wiki. Puis écoute, de la façon que tu le disais, ça m'a inspiré cette chanson-là. Faut baisser la trempe. Wiki, Wiki par-ci, Wiki, Wiki par-là. Il y a ça. Okay. Puis après ça, là, je me souviens plus ce que tu as dit, par exemple, parce que là, je l'ai perdu. C'est... Le quick, fast... Non, c'était avant ça. Word Cunningham. Oui, le wiki. Wiki web. Oui. Puis là, ça me fait penser à la chanson. Viens danser avec moi, le wiki, wiki web. Celebration good time, come on! Wiki good time. Bravo, JB. Merci. Que des hits! Shine bright like a wiki. Tu vois? On n'a pas besoin de changer de son. Dans les émissions, nos animateurs chantent des chansons commerciales. Ben oui. C'est ça. Mais c'est pour, ça, c'était pour le gag. Je l'ai fait pour le gag. Tout pour le gag. Ouais. Au nom de l'humour. Oui. Les roquettes. Les petits bonbons. Les petits bonbons roquettes aux États-Unis s'appellent les Smarties. Tu savais ça, aux États-Unis, ils n'ont pas de Smarties comme on a au chocolat. Eux, c'est des roquettes, ça s'appelle aussi des Smarties. OK. Bon. J'aime mieux notre version. Moi, ben oui, j'aime bien nos Smarties par contre. Oui, moi aussi. Ouais, c'est ça. Bref, la ligne est mince entre bonbons et pilules. Hein. Les deux sont en forme de petites, petits morceaux tout ronds comme ça. L'un est bien coloré. Souvent, même les deux peuvent être colorés. Il va dire différentes couleurs. C'est vrai. Et il y en a une qui est de sucre et l'autre qui est du médicament. Hein? Bon. Donc, les roquettes, ces petites pilules-là qui pouvaient créer la confusion chez les enfants. Nestlé, pas Nestlé. Rick Astley. I'm gonna give you up. Donc, la compagnie qui fabrique les bonbons a présenté un Smartie blanc. Parce qu'il y avait des problèmes avec le colorant bleu. Ça contenait des additifs artificiels qui n'étaient pas bons pour la santé, apparemment, à cette époque-là. Donc, c'était une des couleurs que les enfants cherchaient, le bleu, parce que ça pouvait, genre, tacher leur langue. Ils aimaient ça, avoir des Smarties bleus sur la langue. Mais là, on parle des roquettes, encore une fois, quand je dis Smarties. Bon, oui. Donc, le Smartie blanc, qui était utilisé parce que bon, il y avait des ingrédients naturels qui étaient disponibles pour faire cette couleur-là. Mais ça s'est pas très bien passé parce que les gens mélangeaient les pilules... Les vraies pilules. C'est ça. Il y a eu des groupes Facebook qui ont été créés demandant à ce qu'on ramène la couleur bleue ou la couleur blanche. En tout cas, bref, peu importe. Les gens voulaient avoir ces couleurs-là. Donc, Nestlé a trouvé une façon de ramener le bleu des Smarties, des roquettes, sans couleur artificielle, avec ce qu'on appelle la spiruline. Donc, c'est ce qu'ils ont utilisé. C'est une algue, apparemment. Okay. Une algue, la spiruline, pour faire la couleur bleue des Smarties. Et là, ben, ils sont de retour. Oui. Fini le Albi Smarties. Voilà. Albinos. Là, on parle encore des roquettes, hein, pas des Smarties, là. Non, faut pas confondre. Et pas de médicaments non plus. Non. Tu veux prendre ton Viagra, tu manges des roquettes, puis c'est comme... Oui, non, non. C'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Un des deux. Est-ce que tu as déjà joué à NBA Jam, le jeu vidéo? Non. Non, ben, n'y joue pas parce que le jeu est arrangé contre toi. Ah! Donc, un jeu pour jamais gagner. Ben, c'est pour jamais gagner dans certaines situations. En fait, t'es en train de jouer à NBA Jam, OK? Bon, t'es sur le court, là, tu cours partout. Le pointage est à égalité. Donc, et là, tu manques ton avant-dernier... un tir, tu lances ton tir à la dernière seconde, aussitôt que le buzzer arrive. Si tu jouais le rôle des Chicago Bulls, c'était pas un accident parce que le jeu trichait contre toi. Mark Turmel, le designer principal et le programmeur de ce jeu d'arcade original à l'arcade, donc NBA Jam, en 1993, développé par Midway, c'est devenu très populaire dans les arcades, les gens mettaient tout leur argent là-dedans. Une des machines les plus profitables de l'arcade, un revenu de 1 milliard de dollars en 25 cents à son sommet. Bref, les Bulls étaient des icônes du sport et Michael Jordan était dans cette équipe-là. Par contre, Turmel était, lui, un fan des Detroit Pistons. Il détestait les Bulls, donc il a programmé les Bulls pour rater chacun de leurs tirs qui sont faits à la dernière seconde, frappant le cerceau à la place d'entrer dans le panier. Donc, Turmel se justifie en disant que c'était pour égaliser les choses par rapport aux Pistons et aux Bulls pour qu'ils soient aussi bons l'un que l'autre. Il fallait leur donner un certain désavantage aux Bulls, mais quand même, tout le monde dit que c'est la triche. C'est pas faux, ça, hein? Ben, c'est pas faux. J'aime ça, moi, ces petites affaires-là. C'est cool, hein? Ouais. Si j'étais programmeur. Si tu étais programmeur, peut-être tu peux encore apprendre. T'as encore le temps, ta vie. T'es encore j'en ai plus à venir qu'à passer. C'est ça. J'espère. Ben là, espérons-le. Ça, c'est si j'ai pas mon mot à dire là-dedans. Allez, bois ton café. Ah ben, tu sais, ce que je pourrais faire pour toi, c'est de te construire un magasin. OK, Mathieu. Oui, ça serait gentil. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un magasin construit de tes mains. À ton nom, comment est-ce qu'on appelle ça? Un GP's Shop. Ouais, t'as un peu. Non, Walt Charbs. Walt Charbs, OK. Charbonneau. Oui, Charbonneau. Donc, le magasin département, ce qu'on appelle comme un Walmart, là, c'est un grand surface. Grande surface, voilà. Sampoong, c'est son nom, S-A-M-P-O-O-N-G, le Sampoong Department Store à Séoul, en Corée du Sud. C'est écrasé le 29 juin 1995, tuant plus de 500 personnes. Ce qui est étrange, c'est comment ça s'est passé. Le propriétaire Lee John est le coupable. Donc, il a fait construire Sampoong sur le site d'une ancienne dompe, vraiment un endroit où on entreposait les déchets. Le magasin était fait pour avoir 5 étages, mais à mi-chemin, il a décidé, lui, d'ajouter un 6e étage avec une piscine. Oh. Donc, plusieurs ingénieurs ont dit à June que c'était dangereux, mais il les a ignorés, non seulement ça, mais il les a sacrés dehors. Donc, 4000 clients sont passés à travers les portes quotidiennement, comme ça. Et le 27 juin, il y a eu une fuite de gaz, mais on n'a rien fait. Évidemment, le propriétaire, encore une fois, c'est sa faute. Deux jours plus tard, le plancher du cinquième étage montrait des signes, dans le fond, avant-coureur, si on veut, qu'il allait s'écrouler un jour. Donc, on a tassé la marchandise chère. Ça, il l'a fait, tu sais. Vers les 18h, pendant que des centaines de gens étaient à la cafétéria, la structure au complet s'est écroulée sur eux. Le plancher du cinquième étage s'est écroulé et tous les étages en dessous ont ensuite suivi. Il y a eu des feux qui sont allumés. Ça a pris plusieurs jours avant de pouvoir les éteindre. On a essayé de sauver les gens pendant plusieurs semaines. Un survivant, une personne en fait, a été sauvée 16 jours après l'écroulement. Mais la seule qui était dans la piscine. Peut-être, ouais, c'est ça en haut. Ouais. Méchant plongeon en plus. On s'en va en bas! on peut pas rire si c'est pas la même. Non, non, quand même. Mais les autres n'ont pas été si chanceux que ça. Plus de 500 personnes sont mortes et 900 ont souffert de graves blessures. J'espère qu'il a été puni. Lee June. C'est un gars riche. Il a réussi à s'en sortir, je suis pas mal sûr. Ah. Ça le dit pas, mais d'après moi, il s'est payé des bons avocats. Mm-hmm. Ensuite, le wasabi. Oui, on connaît tous le wasabi, le truc vert avec qui goûte fort, là. Qui est très très très fort, mais que certains confondent avec de la guacamole. Et si vous voulez faire des blagues, quelqu'un d'ailleurs. J'ai jamais pensé à ça. Hey, t'imagines-tu comment ça doit te coûter cher de wasabi? C'est clair, hein? Oui. C'est tous tes sushis que tu dois acheter, genre pour que à chaque fois qu'il te donne une petite motte. Ok, toi t'achètes pas du wasabi indépendamment, puis Mais non, faut que ça vienne avec le dans le package. Sushi. Ok. Wow. Donc c'est rempli de bonnes choses pour la santé. Là. Ça tue les cellules cancéreuses, nous dit-on. Ça réduit la pression sanguine. Ça tue les bactéries comme le E. coli. Mais avant 1908, le wasabi était mentionné seulement dans des livres botaniques. C'était très inconnu dans l'Ouest. C'était jusqu'à ce que les troupes alliées s'amènent au Japon. Et là, ils ont remarqué que c'était utilisé comme condiment, surtout pour le poisson. Lorsque le Japon servait aux Occidentaux du wasabi, c'est surtout fait à partir de réfort européen. Réfort, c'est un genre de radis, ça, je crois. Oui, ça goûte bizarre. Je me fais vraiment pas ça. Ça me sort parler de narine, cette affaire-là. Donc, on se disait que les étrangers allaient pas faire la différence entre du wasabi et du réfort. Donc, ils donnaient du réfort. Ça devait coûter moins cher. Aujourd'hui, un produit peut être décrit comme du wasabi, seulement si ça contient une portion de la plante authentique wasabi japonica. Donc, il faut absolument qu'il y ait ça pour pouvoir s'appeler du wasabi. Ah oui, sinon, c'est de la copie. De la copie. Ensuite, le plus gros cheval du monde pesait 3200 livres. Okay. Oui. Okay. What? C'est 3200 livres. Si tu cherches un gros étalon. Là. Oui. Il te faut. C'est gros. Là. Tu sais jamais avoir un étalon comme ça, ça va te déchirer quelque chose. donc, il fallait appeler le propriétaire de Brou qui est décédé depuis. Mais quand même. Donc, Brou. Mais oui, c'est son petit nom affectueux. Bon, en fait, Brookie était déjà un nom affectueux de Brooklyn Supreme. Ah, OK. Donc, moi, je pensais qu'il vivait dans des montagnes puis ça faisait Brookie Mountain. Après, très bon, ça. Donc, Brooklyn Supreme, aka Brookie, aka Brookie Mountain, était un Belgian Draft Stallion qui est né en 1928. Son max qu'il a atteint, c'est 6,6 pieds. En fait, 6 pieds, 6 pouces. Mmh. Il pesait donc 3200 livres à son max. Une bête, comme on dit. Il portait un collier de 40 pouces, plus gros que la plupart des pantalons des hommes. Je me rendrai sûrement pas là. Hey, là, ce train-là, il y a quelque chose qui non, se non, passe. Ça, tout pas marche pas, là. Donc, il a pris... il avait besoin de 30 pouces de fer pour chacun de ses sous... Ben, tu sais, c'est... Comment on appelle ça? Ses sabots. Sabots, voilà. Donc, Brookie est devenu une attraction. Évidemment, il se faisait traîner partout dans le pays pour se faire voir par les gens. Donc, son propriétaire était C.G. Good of Iowa et son partenaire, Ralph Fogelman, qui chargeait 10 cents pour voir ce gros cheval. Incroyable. 10 cents parfois. Mais t'imagines-tu ce que ça mangeait, puis est-ce que ça... Tu sais, je pourrais manger un cheval, comme on dit. Là, non, mais mettons, le cheval, là, il devait manger une quantité énorme de bouffe pour peser 3 tonnes. Incroyable. Ben, ça devait faire aussi des numéros 2 assez impressionnants. C'est ça qui a fait écrouler une bâtisse à Sampong au Japon. Brooke, donc, est décédé en 1948 à l'âge de 20 ans. C'est un petit peu moins que la moyenne qui est entre 25 et 30 ans pour un cheval. Mais Brooke était une anomalie médicale qui avait probablement des problèmes de santé uniques, étant un géant. Les géants ont tendance à mourir jeunes, on le sait. Ensuite, savais-tu que ça prendrait seulement 29 dominos pour faire tomber l'Empire State Building? OK. C'est tout à fait vrai. Parce qu'un tout petit domino, donc de 5 mm de haut et d'un seul millimètre d'épais, pourrait faire tomber une bâtisse comme l'Empire State Building en seulement 29 étapes. OK. D'accord, donc les dominos peuvent faire tomber un domino de une fois et demie sa grandeur. Donc, si tu commençais avec un très petit domino, de la grosseur d'un ongle, ça prendrait seulement 29 dominos. Chacun serait une fois et demie plus grand que le précédent. Donc, pour faire tomber l'Empire State Building. L'énergie gravitationnelle Donc, il est emmagasiné dans chaque domino. Lorsqu'ils sont mis debout, ça demande juste un petit coup pour que l'énergie sorte du domino et soit relâchée, soit envoyée vers le suivant. Donc, chaque domino a de l'énergie, ça continue de s'amplifier, ça gagne en force de plus en plus. Vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Oui! Allons-y! une île flottante de la grosseur de terrain de football a tendance à bouger dans le Massachusetts. C'est l'Island Pond de Springfield au Massachusetts. Springfield, on connaît. Qui est une île flottante de la grosseur de terrain de football. Elle flotte depuis tellement longtemps. En fait, il n'y a personne qui se rappelle d'une époque où il n'y avait pas cette île-là qui flottait. Donc, il y a un genre de tapis de mousse et des gaz de plantes en décomposition qui la propulse de bord à l'autre de son terrain de jeu, de son habitat. Donc, l'île ne fait pas que bouger comme ça. Des fois, elle va rebondir un peu, comme une machine de pinball, pendant les périodes de pluie ou de grand vent. Des fois, elle va même se déchirer des racines qui la tiennent. Dans l'eau, il y a des racines en dessous. Et elle va aller foncer dans la cour de quelqu'un. Dans la cour arrière, mettons. T'imagines, t'as une île dans ta cour. Poussez-vous, il y a une île qui fonce sur nous! Je suis roi du monde! C'est Titanic version. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais là, c'est l'île qui fonce sur nous. C'est ça. Le... C'est ça. Donc, à ces occasions-là, souvent, ça va détruire des clôtures, ça va inonder des sous-sols, des trucs comme ça. Finalement, ça va arrêter dans la cour de quelqu'un. Et après ça, on va la remorquer, on va vraiment la tirer pour la ramener à sa place, si on veut. Donc, ce qu'on appelle du remorquage. Il y a une légende qui dit qu'il y a une tortue de la grosseur d'un ours nommé Big Ben qui vit sur cette île-là, Island Pond, et elle mange des canards. Mais ça, c'est plus, j'imagine, un mythe. T'imagines-tu le matin, il faut que t'appelles CA? Ouais, c'est parce qu'il faudrait tourner mon île. Elle est encore dans ma cour. Elle veut pas partir. Puis il y a Guy Légal, oui, le capitaine. Certaines des médailles d'or aux Olympiques de Sochi 2014 contiennent des fragments de météorites. OK. Fragments qui ont frappé la Russie le 15 février 2013 pour le météorite. Donc, ce jour-là, le météore Chelyabinsk qui est entré dans l'atmosphère de la Terre à environ 60 fois la vitesse du son. Le météore qui a explosé dans les airs au-dessus de Chelyabinsk Oblast. Et ça a envoyé du gaz, de la poussière de météorites et des fragments de météorites, comme ça, dans les airs. Et certains de ces fragments-là ont été ramassés et mis dans les médailles d'or qui ont été données à l'anniversaire du météorite, donc le 15 février 2014. 7 médailles ont été données avec des fragments de météorites dedans. OK. C'est cool, hein? Ben oui. J'imagine que tu peux pas vendre ces médailles-là. De toute façon, t'es un athlète olympique, tu l'as mérité. Ben oui, c'est ça. Tu fais pas ça pour l'argent? Ben non. Ben non. Okay. Ou les commandites de toutes les compagnies qui vont te courir après. Ben non. Il y a une plage, on revient aux îles, tiens. Gilligan a encore du bon moment, du bon temps devant lui. À nous donner. C'est Hippie Hollow, donc Texas, qui a une plage de nudistes. Ben, pas vraiment une plage nudiste, en fait, c'est plus un parc. On l'appelle un parc clothing optional, donc les vêtements sont optionnels. Officiellement, on l'appelle le parc McGregor, mais tout le monde l'appelle Hippie Hollow. C'est une source de controverse, évidemment, depuis des années, mais en 2004, ça a fait le tour des nouvelles pour une autre raison. Les nouvelles locales ont parlé d'un bateau, un genre de bateau de croisière, si on veut, à deux étages, ce qu'on appelle un party barge, donc les gens faisaient la fête là-dedans, à deux étages, qui est tombé sur le côté, capsize. Oh. Tu sais, comment on appelle ça en français quand ça... Il a fait un quart de tour. Un quart de tour. Je sais pas, je me souviens plus. Il est tombé du côté, dans l'eau. Pourquoi? Et ça, c'est dans le Lake Travis. Pourquoi? C'est parce que l'accident a révélé que la barge est tombée quand les passagers se sont tous mis du même côté du bateau. Je sais pas si c'était du côté pour voir les nudistes de la plage Hippie Hollow ou si c'était pour dire je veux pas y voir, je m'en vais le plus loin possible. Mais d'après moi, ils sont tous avancés. Ouais. D'après moi. Donc c'est ça, mais heureusement, personne n'a été blessé sérieusement. Et puis la barge était c'est ça, tout près de Mais ça devait pas être un gros bateau, là. Ben, on dit double story party barge, donc deux étages. Comme les croisières ici, là, à Trois-Rivières. Ben, c'est ce que j'en pensais. Là. Party barge, on va voir party barge, de quoi ça a l'air dans Monsieur Google Images. Là. Ouais, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, en fait. Ben, tu sais, ça dépend. Il y en a sûrement plein de modèles, mais oui, ça peut être assez cheap. Ouais. En tout cas, celui-là, il est bien, en plus. Il y a un petit quelque chose en arrière. As-tu vu ce que c'est? Non. C'est, on dirait un ponton, genre avec des. Ben là, c'est des jambes, là. On dirait des jambes de femmes. C'est ça. Si vous cherchez Double Story Party Barge, là, on dirait qu'il y a, qu'il y a des fesses de filles avec les jambes par en arrière, mais c'est une glissade d'eau pour aller dans l'eau. Ça paraît pas, mais c'est vraiment ça. C'est incroyable. Incroyable. Double Story Party Barge. Bon, ben voilà. C'est tout pour cette première partie de cette fille. Il y en a une deuxième, évidemment, tantôt, parce qu'on n'a rien de mieux à faire aujourd'hui. Tantôt, là, tu parlais, c'est ça, de. Quand le bateau il est tombé là, sur le côté. Ouais. Moi, je pensais que c'est parce qu'il avait fait un shake de boat. Tu sais, comme un shake de boss là, quand t'étais petit. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Là. Non, jamais. Mais bon. Je suis pas un rebelle, moi. Bon, ben, nous non plus. Là, nous, on suivait les cinquièmes. Non, c'est ça, le mouton. Mouton. Mouton. Mouton. C'était un Harlem Shake. Oui. Ah. Est-ce que c'est fini, ça? Je pense que oui, c'est fini. Voici Candle et Demon. Like a candle in the wind. C'est Elton John, ça, je pense. C'est pas ça qu'on écoute. Pas du tout. Retour plus de C'est un fait. OK. On va passer devant Happy Hollow. This is Halloween. This is Halloween. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow? Oui. Ah. Sleepy Hollow? Je ne connais pas. Je n'ai pas le référent. Tombe à l'eau, hein? Ça tombe à l'eau comme un bateau. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. On se lundi 31 mars 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. On va continuer avec plus de cet effet. Plus encore. Mais avant ça, une petite chanson. Bon. Juste une petite, là. Fais languir, Mathieu. Ben, je sais qu'on arrive d'une chanson, mais on a. Tu veux qu'on y aille tout de suite avec cet effet? Non. Une chanson, ça va. OK. Ah non, je suis en train de faire tout tomber. Je sais pas trop quoi mettre en fait. Ça aussi. Mais pas la même que d'habitude. Pas une autre. Ah oui. Oh, t'es un aventurier. Là. On s'en va entendre du David Giguère, bien sûr. Et tu vas me donner un chiffre, c'est ça? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Oui, on y va avec un chiffre. Je te dis des titres et tu me dis ce qui t'inspire. Vas-y. Okay. Donc, tuons nos enfants. ça m'inspire. La noyade. L'échec de l'Odéon. La honte. Océanique 815. Gun. Aimé. Albert Prévost. La durée. Ou Casablanca. J'irai avec Gun. Gun, ok, attends un peu. 4, 5, 6, 7. Gun de David Giguère tout de suite. 80 FM, c'est fou. C'est pas bonne, c'est la faute à chauffer. Non! Oh. Encore 30 secondes. Ah oui? Ah, ah un nouveau message. Ici Émilie. Bonjour. Votre assistante personnalisée. C'est la pièce Gun sur l'album Casablanca de David Giguère. Madame Giguère. On l'appelle. Vous êtes toujours Assemblage Rocky. Tantôt, on était en train de faire du C'est un fait. Ça donne bien parce qu'on a une deuxième partie. Mm-hmm. Donc voici toujours C'est un fait. C'est un remix. Ouais. Hein? C'est un fin clap clap. C'est un fin plop plop. C'est un fin. C'est un fin. Bon, yeah! Ça a pris deux fois, puis là maintenant on sait qu'on chante cette fin sur cette chanson-là pour aucune raison. Donc tu connais les marques Ray-Ban? Ben oui. Tu me diras ce que c'est, là, si tu devines, si tu sais ce que c'est. Ray-Ban, c'est ce que c'est? Oui, la marque. La marque de. Lunettes. Bulgarie. Bulgarie, moi? Ça, c'est un... C'est la Bulgarie, non, je sais pas. C'est un pays, non? Oui, mais c'est ça. C'est aussi une marque de lunettes. DKNY, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada. Ben là, plein d'affaires, là, lunettes, etc. Mais entre autres, des lunettes. Donc, on se dit, bon, crime, il y a plusieurs compagnies de lunettes. C'est parfait pour la compétition dans un système capitaliste, etc. Genre, il faut avoir de la compétition. Mais c'est faux. Tout à fait faux. Toutes les marques que j'ai mentionnées et beaucoup d'autres sont gérées par la même compagnie italienne, une méga corporation nommée Luxottica. Luxottica. Est-ce que t'achèterais des lunettes Luxottica? Non. Ben c'est pour ça! La compagnie est donc le plus grand producteur de montures, de lunettes et d'autres trucs comme ça qui ont rapport avec les yeux dans le monde et contrôle plus de 80% des marques de lunettes. 80%. La compagnie a été démarrée en 1961 par Leonardo Del Vecchio. En fait, deux modes d'opération. Il y a plusieurs marques maison comme Oakley et Ray-Ban. Mais ensuite, ils vont fabriquer des lunettes sous licence pour d'autres maisons de mode, comme l'on a dit, Chanel, Dolce & Gabbana, etc. Donc, récemment, ils se sont fait critiquer parce qu'ils gardent les prix de leurs produits artificiellement élevés, étant donné qu'ils sont un petit peu dans un genre de situation monopolistique. Hein? Ah oui. Donc, ils peuvent faire ça, évidemment, parce qu'il n'y a personne d'autre vraiment pour les affronter. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on paie des 400-500$ pour une monture. Là. Je vais partir de ma propre marque, Mathieu. Tu vas appeler ça comment? Luigi GP. Luigi GP. Luigi GP. Mamma mia. Luigi GP. L'eau Fiji est une marque de... L'eau Fiji? Ben de dos. La marque d'eau Fiji est une marque d'eau. Bonne réponse. Tous les points, j'en fais pas. Donc, c'est une marque de d'eau en bouteille. D'eau de source, évidemment, embouteillée, envoyée de Fiji, un petit pays. En Mélanésie, dans le Pacifique Sud, l'océan Pacifique Sud. En 2006, l'eau Fiji... dans le fond, la compagnie a fait une publicité disant, et je cite, « L'étiquette dit Fiji parce qu'elle n'est pas embouteillée à Cleveland. Hein? » C'était vraiment ça leur phrase qu'ils disaient. Peut-être que le maire, ou en tout cas le département de l'eau de Cleveland, a peut-être un petit peu pris ça personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Donc, ils ont fait des tests. Hein? Ils ont comparé leur eau à l'eau des bouteilles Fiji et un paquet d'autres marques comme ça. Vraiment, ils ont comparé ça avec leur eau de robinet de Cleveland. Et qu'est-ce qui en a sorti? Évidemment, c'est la même chose. C'est que l'eau de Cleveland est meilleure. Meilleure que celle de Fiji. C'est plutôt gênant pour Fiji Water. Les résultats révèlent que l'eau de robinet de Cleveland est bien meilleure parce qu'elle contient 6,31 microgrammes d'arsenic par... non, ça, c'est l'eau de Fiji, pardon, qui... contient 6,31 microgrammes d'arsenic par litre, alors que l'eau du robinet de Cleveland en a 0. OK. Microgrammes d'arsenic par litre dans les bouteilles d'eau Fiji. Allô? Ça va pas bien. Peut-être qu'au goût, par exemple, il y a une petite différence. Probablement. Hein? Peut-être que l'eau Fiji, on est habitué à... Elle goûte pas le chlore, mettons. C'est ça, probablement. Mais moi, j'aime pas tant l'eau en bouteille, à part la... c'est laquelle? L'Esca, que je trouve qui est très, très bonne. Mais les autres eaux en bouteille, je trouve que ça goûte trop... ça goûte fade, ça goûte rien. Oui. Parce qu'ils ont tout enlevé dedans. Oui. Moi, ma préférée, c'est la Naya. OK, parfait. J'aime pas la Nestlé Pure Life dégueulasse. Montclair, non, tout ça, tout ça. Non, la Dasani, bof. Ouais. Toutes les bouteilles qui sont trop molles. Oui, ils ont économisé sur le plastique du bouchon. tu le débouches, puis là, la bouteille à twist. J'ai ça. Tout pour l'environnement, achète pas des bouteilles d'eau de plastique. C'était va pour l'environnement. Ici, là. Et quand même, va te refiler dans le robinet de la buvette à l'université. Si j'avais pas une bouteille d'eau avec un filtre Brita préintégré, je ne boirais jamais d'eau au travail. Mm. C'est trop dégueulasse. Ah. C'est insupportable. Mais bref, voilà pour l'eau de Cleveland qui est meilleure que l'eau de Fiji. L'eau, justement, on en parlait, est un horrible, très mauvais conducteur d'électricité. Savais-tu ça? Mais ça va te surprendre. Ah non, je sais. Ouais. Est-ce que je peux guesser quelque chose? Ben oui. C'est les minéraux à l'intérieur. C'est les minéraux à l'intérieur. Bravo, tous les points à JP. Ta-ta-ta-ta. Commandant. On compte même pas les points, c'est juste tous les points pour JP. Ah oui, c'est ça. Donc, l'eau, c'est ça, c'est un mauvais endroit, évidemment, où être lorsqu'il y a des éclairs. Mais malgré la croyance populaire, l'eau en fait conduit très mal l'électricité. Donc, l'eau pure est distillée, absolument rien pour l'électricité, sur quoi s'accrocher. L'eau distillée, dans le fond, c'est de l'eau qu'on trouverait comme ça dans la forêt, mais bouillie jusqu'à ce que le liquide devienne complètement vidé de ses minéraux. Les molécules d'eau elles-mêmes ne peuvent pas retenir la charge donc de l'électricité, de l'éclair. Donc, blablabla, un paquet d'affaires techniques que je comprends pas. Mais l'océan, elle, conduit très, très bien l'électricité à cause du sel, entre autres, dans l'eau. Les minéraux comme le calcium et le magnésium sont parmi les impuretés qui sont trouvées en masse dans l'eau. Et donc, dans l'eau qui sort, évidemment, de ton robinet. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère de ne pas prendre votre douche, vous laver les mains, des trucs comme ça pendant qu'il y a des éclairs. C'est pas recommandable à cause des minéraux dans votre eau de robinet. Voilà. Si vous êtes à Cleveland, par contre, zéro arsenic. Lorsqu'Audi, tu connais Audi, la petite compagnie de voiturettes? Oui, la petite compagnie, oui. De voiturettes. Donc, Audi, quand elle est entrée dans le marché indien, ils ont dû créer un nouveau klaxon à cause des conducteurs indiens. C'est vrai. Ou hindou. Donc, Audi a lancé l'Audi TT Coupe en Inde en 2012. Et après ça, ben, ils ont découvert qu'ils devaient changer leur célèbre klaxon. Selon le directeur de Audi en Inde, les chauffeurs de Mumbai utilisent leur klaxon autant en une semaine qu'un conducteur allemand moyen le ferait en une année. ça, c'est à cause du gros trafic vraiment de fou à Mumbai. Donc, Audi donne à ses voitures indiennes un klaxon différent. Pour commencer, ils sont testés pendant deux semaines de façon continue. Ils ont aussi différents paramètres et sont fournis par différentes compagnies par rapport aux klaxons réguliers de Audi. Les klaxons de Audi en Inde sont aussi beaucoup plus bruyants, beaucoup plus forts que les normaux. Les klaxons en Inde sont utilisés pour faire pour signaler plusieurs émotions. Une étude qui nous dit... qu'il y a un klaxon de voiture à chaque 3 secondes aux intersections majeures de Calcutta. Wow. C'est bizarre. Hein? Ça aide pas pour vendre ton appart? Ouais. J'essaie de trouver un exemple d'un klaxon en Inde de Audi, mais je ne le trouve pas. Oh. Il n'y a pas de vidéo. Attends un peu, je pense qu'il y en a peut-être un ici. Je vais faire le prochain pendant ce temps-là, OK? On va parler de la météo dans le film Jour de la marmotte. On en parle souvent du film Jour de la marmotte ensemble. Je sais pas pourquoi. Hein? On dirait qu'on a un fétiche par rapport à ça. Mais le film mettait en vedette Bill Murray dans le rôle d'un météorologue, si on veut, à la télévision, un petit peu égocentrique, qui voyage dans une petite ville en Pennsylvanie pour couvrir l'événement annuel de la marmotte. Dans ce film-là, le personnage de Murray se fait prendre dans une boucle temporelle et il répète la même journée encore et encore. Bon, ça, on connaît ça. Ben évidemment, vu que le film tourne autour des mêmes personnages qui font la même journée encore et encore, la journée devait avoir l'air similaire à l'écran. Hein? Donc, les scènes et les accessoires devaient être les mêmes pour chaque fois qu'il filmait la scène, les vêtements, etc. Mais la météo, elle aussi. Donc, ça pourrait avoir l'air d'un fait plutôt inutile. Mais après ça, on se rappelle qu'un film s'est filmé pendant une période de plusieurs semaines de suite. Quand même, ouais. Et que la météo change souvent. Donc, pour contourner le problème, le réalisateur a demandé à ce que chaque scène du film soit filmée dans différentes météos. Donc, à la place de vraiment s'assurer que la météo soit la bonne... Après ça, il allait prendre celle qui était plus récurrente. Exactement. Si il mouille un petit peu tout le temps, tu vas prendre ce genre de scène-là tout le temps au même endroit. Donc, certains des acteurs, lorsqu'on a filmé le film, ont dû filmer chaque scène des dizaines et des dizaines de fois avec des météos différentes, que ce soit le soleil très, très brillant, à de la petite pluie finie. Très drôle. C'est très drôle. Je trouve juste pas le klaxon. Est-ce que tu l'as? Oups! Je pense que c'est pas celle-là. Je pense que c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Je pense que c'est John. C'était une blague, Mathieu. Merci, JP. C'est très réussi. Il y a un lac dans l'ouest de l'Australie qui est complètement et naturellement rose. OK. C'est vrai. Donc, c'est le Lake Hillier qui est pas vraiment remarquable en temps normal, à part le fait qu'il est rose. Hein? donc, c'est sur Middle Island, la plus grosse des îles de recherche archipelago de Western Australia. Donc, c'est ça. C'est tellement rose, vraiment un rose intense. On peut le voir en avion, en hélicoptère. Lake Hillier est quand même un mystère. La couleur est là à l'année longue. Il va rester là même si on enlève complètement l'eau du lac. C'est pas l'eau qui est rose, donc je comprends bien. La raison de cette coloration dramatique du Lake Hillier n'a jamais été prouvée, mais on parle souvent des sels qui vont créer des couleurs comme ça dans d'autres parties du monde, par exemple dans les Himalayas. Il y a aussi des bactéries qui aiment ce sel-là. Donc, les Dunaliella salina et l'Halobacteria qui apparemment pourraient collaborer à cette coloration-là. Moi, j'aurais cru que c'était une histoire de crevettes. Oui, c'est ça. Ouais. Comme les flamants roses. Ah, mais oui! C'est vrai, ça. C'est là qu'ils font les Peppermans, je pense, dans ce lac-là. Oui. Pour les mettre roses. Oui, exactement. La France a déjà demandé, a essayé d'instaurer une journée qui avait 10 heures à la place de 24 ans. C'est l'heure décimale qu'on appelle une représentation de l'heure du jour en utilisant des unités qui sont décimalement reliées, donc qui sont divisibles par les autres. Terme qui est utilisé spécifiquement pour l'heure révolutionnaire française, donc French Revolutionary Time, qui divisait la journée en 10 heures décimales. Chaque heure était divisée en 100 minutes décimales et chaque minute était divisée en 100 secondes décimales. Donc les secondes passaient extrêmement vite. L'avantage principal de l'heure décimale... Ben, je ne sais pas s'il avançait si plus vite que ça parce que... C'est relié avec la minute et relié avec l'heure. Et si les heures, il y en a juste 10 au lieu de 24, tes secondes sont sûrement pas tellement plus rapides. Tu sais, c'est relatif. Ouais. Bref. C'est compliqué, là. Moi, ça me prendrait un schéma. Un petit dessin, c'est faites-moi dessin. Yves Corbeil! Donc, l'avantage principal de l'heure décimale, c'est que vu que, bon, évidemment, c'est basé sur les décimales, c'est plus facile de diviser les heures. Donc, quand tu as à faire, mettons, 6,3 heures, qui n'est pas 6 heures et 3 minutes ou 6 heures et 3 minutes, c'est tout mêlant, ces affaires-là. Donc, voilà, c'était l'heure décimale, mais ça n'a pas fonctionné. Ah ben... La grosseur des téléphones cellulaires. Évidemment, on sait Samsung, entre autres, arrête pas de faire des téléphones de plus en plus gros, 5,5 pouces, 6 pouces, etc. On parle du prochain iPhone 6 qui aurait un écran de 5,5 pouces dans les rumeurs, bullshit de n'importe quoi. Mais les compagnies. Moi, les gens qui partagent les rumeurs de iPhone, genre 6 mois à l'avance, là, c'est tout le temps n'importe quoi, il n'y a jamais rien de vrai. Mais non, mais écoute. Mais non, c'est sûr que non. C'est hyper sécurisé. C'est pas du gros journalisme. Non, vraiment pas. On s'en parle une. On dit que le prochain iPhone 6 ouais. va avoir l'application C'est fou intégrée. Intégrée de base. Oui, mais juste à Trois-Rivières. Donc, les compagnies de vêtements doivent repenser à leur design côté poche. Poche de côté. Hein. Donc, une poche qui pouvait accommoder un téléphone cellulaire d'il y a 3 ans, bien évidemment, ça n'accueille pas une tablette, le mélange entre un téléphone et une tablette, là. Donc, les smartphones sont devenus tellement massifs que les compagnies de vêtements doivent changer leur plan. Ils doivent tout repenser. Ils disent, là ici, c'est les gens de chez Dockers qui disent, et je cite, « Nous avons récemment augmenté la grosseur de notre pochette poche à monnaie. » C'est la coin pocket, ouais. c'est la poche dans la poche. Ouais. Donc, ils sont passés de 3 par 3 à 4 par 4. Pouces pour accommoder les plus gros téléphones d'aujourd'hui. Dockers a aussi dû repenser à la poche pour téléphone cellulaire dans leur kaki. Tu sais, dans les kakis, t'as des poches ouais, intérieures oui. partout et extérieures, donc ils ont dû repenser à ça. Mais quand même, c'est quand même drôle de mais voir ça. Mais c'est vrai, ça. Oui. Ah oui. Pourquoi pas? Moi, je me dis, si tu veux un gros téléphone, mets-le dans ta sacoche maintenant. Non. Moi, pour de vrai, je le mets tout le temps dans mon sac banane. Tout le temps. Dans mon sac banane, ça tient. Il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas de problème. Tu peux amener mes clés. Tamagotchi, tes tout. Pog. Oui. Toutes tes affaires. Mes cartes. Pokémon. De Pokémon, exact. Ben oui. J'aime ça. Oui. Ensuite, tiens, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est rare que je te demande dans cette chronique-là une définition de mot. Qu'est-ce qu'un écronyme? Un écronyme. OK, ça par rapport au mot. Au mot? Oui, comme un homonyme. Ah non, c'est ça, non. Ben oui, en fait, un peu moins. Okay, oui, nécro. C'est un mot qui est mort, Mathieu. C'est pas exactement ça, c'est quand t'es nommé en honneur d'une personne morte. Ah ben, chacune, tu t'es pas si... T'étais proche. Donc, il y a bien des chances, Jean-Philippe, même toi, que tu sois... Même toi? Même moi? Que tu sois nommé en hommage ou en honneur d'une personne décédée dans ta famille. Donc, souvent, ça va être pour que le nom continue. Ah ben oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Donc, le terme, c'est nécronyme. Ça vient du terme grec pour nécros, qui veut dire décédé, et onoma, qui veut dire nom. Tu l'as dit, homonyme, tantôt, c'est la même chose. Donc, plusieurs cultures ont différentes façons de penser par rapport au nom des personnes qui sont décédées. Il y a des endroits où on ne dit plus jamais le nom réel de cette personne-là une fois qu'elle est décédée. C'est un tabou. OK. Donc, si tu mourais, on dirait jamais les mots Jean-Philippe. C'est comme Voldemort. L'utilisation des nécronymes mène à de la confusion chez les historiens. T'imagines? Ah ben oui, c'est sûr. Donc, les certificats de naissance qui ont le même nom qu'un autre certificat de naissance. Et évidemment, les dossiers n'étaient pas super bien entretenus il y a quelques, mettons, centaines d'années. Donc, c'était difficile de différencier entre deux personnes. Par exemple, Shigehiko Izumi, qui est décédé en 1986 et apparemment est né en 1865. Il a reçu le record Guinness pour le plus vieil homme du monde. Mais apparemment, qu'il serait né en 1880. Il a été nommé en hommage, en honneur de son frère qui était décédé. OK. Donc, dans la même famille, des frères qui auraient le même nom. Pas sûr, ça. Des frères avec le même nom, c'est bizarre. Le record du monde, on parlait de record, tiens, pour le plus grand changement de température drastique en le moins de temps possible, c'est à Spearfish, dans le South Dakota, de côté du Sud. Généralement, il y a un climat très variable là-bas parce que, bon, c'est situé proche de montagnes, je sais pas trop quoi. Bref, il y a une raison que la température change tout le temps. Mais à l'échelle plus globale, cette ville n'est pas célèbre pour grand-chose, sauf pour le changement de température soudain. Le 22 janvier 1943, vers les 7h30 du matin, les résidents se sont réveillés à une température de moins 20 degrés Celsius. Ensuite, le vent Chinook a soudainement pris de la vitesse et 2 minutes plus tard, à 7h32, il faisait plus 7. Ah oh, ouais! Donc au-dessus de zéro à Spearfish. C'est une différence de 27 degrés Celsius, 49 degrés Fahrenheit. En 2 minutes, c'est un record du monde qui est toujours là en ce moment. Ouais. Ginette, il fait combien dehors? Mets ton manteau! Finalement, ben, c'est ça. Ginette, il fait pas chaud! On s'en va en croisière, on s'en va sur l'île des hippies. donc, après 9h du matin, le Chinook s'est calmé un peu. Les températures sont redescendues à moins 20 degrés. Et le changement de 32 degrés Celsius est arrivé en 27 minutes. Donc, ça, c'était la deuxième fois. Donc, en premier en 2 minutes, ensuite en 27. La fluctuation de température a fait craquer les fenêtres. Et a complètement frosté les windshields. Ah oui, c'est ça. Donc rendu givré les pare-brises de voiturettes. Et c'est ainsi que sont nés les mini-wits. Les mini-wits. Givrés. On les envoie dans un vent Chinook à Spearfish à chaque fois qu'on veut une nouvelle boîte de à chaque fois. Oh, c'est la magie des céréales. Et ça fait partie d'un déjeuner complet. Donc, on pourrait penser que c'est une bonne idée de se brosser les dents après chaque repas pour enlever les particules de nourriture. Mais c'est faux! C'est faux. Selon Colgate, vos dents sont vulnérables aux dommages après avoir mangé et bu. Les nourritures acides et les boissons qu'on consomme vont adoucir l'émail des dents. L'émail, c'est ce que je fais quand je vais sur mes courriels. Je t'envoie un émail. Et email. Oui, email. Donc, se brosser les dents à l'intérieur de 60 minutes après un repas pourrait endommager votre émail. OK. Donc, vous devriez vous brosser les dents deux à trois fois par jour. Se brosser le soir est le plus important parce que votre bouche va être sèche pendant la nuit. Les bactéries vont se développer et vont endommager vos dents. En fait, ça ne dit pas qu'ils vont se développer, ça dit qu'ils vont juste endommager vos dents. Se brosser les dents le matin est très important quand même pour enlever la plaque qu'on a ramassée sur nos dents pendant la nuit. Mais techniquement, ce serait plus efficace de vous brosser les dents après le déjeuner parce qu'évidemment, on se les dents, mais une heure après le déjeuner. Bon. Ben, ça change tout, là. Ben là, je me lèverai pas une heure et demie plus tôt, là. C'est ça. Mais il faudrait, mettons, que tu déjeunes à 6 heures et que tu te brosses les dents à 7 heures. Et quart. Et quart. Parce que je vais avoir fini de déjeuner 15 minutes après. C'est exact. Et ensuite, tu t'en viens au travail, toi. Bon. C'est pas pire, hein? Eh bien, bon. Puis après ça, pas de café, j'imagine, pendant un certain temps. Ben non, pendant au moins, je pense qu'on est supposé boire le café passé 10h, 11h, quelque chose comme ça, si j'ai bien retenu ma leçon dans l'instruction d'assemblage récemment. Bref, vous brossez les dents plus de 3 fois par jour pourrait aussi endommager vos gencives, donc ne vous brossez pas plus de 3 fois par jour. Ça ressemblait vraiment à une chronique d'instruction d'assemblage qu'on vient de faire là. Ce qu'on appelle le Star Path, c'est bon, on sait que c'est très cher d'entretenir les routes dans les parcs, dans le sens de les laisser, de les éclairer la nuit pour la sécurité des cyclistes, des piétons. Mais la compagnie ProTech, basée en Grande-Bretagne, a développé un produit qui peut drastiquement couper ces coûts-là. C'est le Star Path. C'est un spray. Donc, un enrobage chocolaté qu'on ajoute sur l'asphalte. C'est pas chocolaté, là. Sur l'asphalte. Donc, c'est des particules qui absorbent la lumière. Et puis, donc, ça fonctionne par rayons. Ça absorbe les rayons ultraviolets du soleil pendant la journée. Ça va dramatiquement, donc, éclairer l'asphalte la nuit. Comme une télécommande ou les étoiles qu'on avait dans notre chambre à coucher. Oui, les petits toutous aussi qui avaient ça. Ouais. Donc, c'est anti-glissage. On peut pas glisser dessus. C'est à l'épreuve de l'eau. Ça peut être appliqué à différentes surfaces comme le ciment, le bois et, et l'asphalte. C'est ça, donc Star Path qui vient avec tous plein d'autres avantages. C'est non réfléchissant. Donc, si tu as une lumière, ça va pas te la réfléchir. C'est pas comme un miroir. Ça ne contribue pas à la pollution par lumière non plus. Et ça ne limite pas les vues du ciel, la nuit des étoiles à cause de ça. Ça n'empêche rien. Mais ça a des conséquences négatives pour les animaux sauvages à cause de l'illumination constante du trottoir en tant que tel, donc ça pourrait leur nuire. Par contre, on ne va pas encore déterminer si Star Path va être assez illuminante, si on veut, pour empêcher les crimes, qui est une des raisons des lumières qui sont accrochées sur des poteaux. C'est pour être plus visible, pour empêcher les crimes, entre autres. Donc, si c'était juste de l'asphalte, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait autant. Voilà. On a juste à en mettre partout. Partout. Sur les arbres, les feuilles, les animaux. C'est ça. Laisse les poteaux là, puis peinture-là avec ça. Ben oui. Ben oui, les animaux. parlant d'animaux, on pourrait peinturer un éléphant qui a été, lui, entraîné pour utiliser des caméras. Bon, c'est pas tous les éléphants, évidemment, qui ont été entraînés, mais quelques-uns. La raison, c'est la BBC qui voulait filmer un documentaire sur les tigres et mieux comprendre comment ils vivaient, comment ils chassaient. Le problème, c'est que les tigres sont très, très, genre, cachotiers, sont secrets pas mal. Ah, coquin. Ils vivent dans les jungles denses et c'est difficile pour les humains de les filmer. La raison, donc, les éléphants ont été choisis pour filmer par l'équipe, c'est parce que les tigres étaient familiers avec les éléphants. Donc, ils étaient capables de s'en approcher sans trop de problèmes. Les éléphants ont été éduqués, entraînés pour utiliser trois différents types de caméras. La première était ramassée par l'éléphant dans sa trompe. Okay. La deuxième, c'était une caméra qui était placée dans ses cornes, plus facile à transporter. Et la troisième sorte de caméra était déguisée en paysage. Et c'était installé par les éléphants. Donc les éléphants allaient les déposer à des endroits. Et c'était allumé par des détecteurs de mouvement. Donc les éléphants étaient tellement bons pour opérer des caméras qu'ils ont réussi à ramasser assez de documents vidéo pour que les chercheurs puissent en apprendre plus sur les bébés tigres et leur évolution jusqu'à l'âge adulte. Ah ben, c'est vraiment le fun. C'est quand même fou. Ouais. Ensuite, le Tylenol, tiens, qui calme vos problèmes sociaux autant que vos problèmes physiques. Tu te demandes pourquoi? Oui. Bon, tu sais, tes jointures, tes muscles demandent une fois de temps en temps une petite dose de Tylenol. C'est rempli d'acétaminophène, un médicament donc actif qui relaxe les muscles, entre autres, et relaxe les douleurs. Eh bien, c'est aussi, malheureusement, une des plus grandes substances responsables de surdose. Donc, les gens décèdent à cause, entre autres, du foie qui a de la misère avec ça. Mais heureusement, par contre... Ça a une deuxième fonction si vous êtes un petit peu rejet dans la vie. Donc, une recherche de 2009 à l'Université du Kentucky nous en apprend plus sur le pouvoir de l'acétaminophène. J'essaie de comprendre ma phrase. Désolé, attends un peu. Donc, un peu comme l'alcool, c'est ça. Donc, ça va vous aider. Des effets d'inhibition, c'est ça. Votre état mental va changer un petit peu. Le rejet social peut endommager la santé de quelqu'un autant que l'obésité, nous dit l'article. Ben, le Tylenol réussit à bloquer dans le cerveau là, ce qui fait que tu te sens inconfortable dans des situations. Donc, ça va affecter et bloquer le processus neurologique du malaise. Impressionnant. Et finalement, tiens, on parle de Tim Hortons un petit peu. Savais-tu que la plupart des produits chez Tim Hortons depuis quelques années viennent directement du congélateur? Oh! Savais-tu ça? Les Canadiens sont outrés! Donc, il n'y a rien de plus canadien, évidemment, que le hockey et Tim Hortons. Mais les produits ne sont plus autant faits sous le toit d'où vous achetez vos produits, même si on dit que c'est toujours frais. Donc, vos petites pâtisseries préférées viennent du congélateur et vont directement dans le micro-ondes depuis un bon bout de temps. Les Timbits, entre autres... sont produits au cœur de la Suisse. Ah! Oh. Les Timbits. Ben on les voit sortir des pâtisseries comme des croissants, etc. Ben oui. Ça, c'est encore fait frais. On les voit sortir du four. Il n'y a aucun problème. Même que les fours sont à la vue dans certains Tim Hortons. Mais pour les trous de beignes, entre autres, c'est pas le cas. C'était un gros scandale en 2003 quand on les a accusés de faire ça. Évidemment, ça a été nié par le porte-parole de Tim Hortons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, en 2010, un propriétaire de franchise a poursuivi Tim Hortons pour essayer de ravoir les produits frais. C'est ça. Les nourritures congelées qui sont beaucoup plus chères, en fait. Le problème est les profits. C'est pour ça que le gars se poursuivait Tim Hortons. Ben oui. C'est pas parce qu'il préfère les produits frais, c'est qu'il fait moins d'argent. Parce que les produits congelés sont plus chers, ont plus de coûts de transport liés à tout ça. Ce qui mène à moins de profits, évidemment. Mais c'est beaucoup plus... Drôle de décision. Mais par contre, c'est beaucoup plus pratique pour Tim Hortons. Même si c'est plus cher, c'est plus pratique pour eux que de le faire en restaurant. Eh ben, j'aurais jamais pensé ça. Ouais. Calomnie. C'est tout pour Stéphane. Ah, oh, Stéphane. Stéphane. Stéphane Harper. Stéphane. T'es un grand fan de Tim Hortons, je pense. On l'a déjà vu avec un bain sur une photo à un moment donné, Stéphane Harper. Ah, oh, peut-être. Steven. Je pense qu'on l'a vu aussi avec des bébés. Je pense que c'est un grand fan de bébés. Il mangeait des bébés? Ah ben ça, l'histoire ne le dit pas, Mathieu. Y a-t-il la crème Boston dans un bébé? Garde dans la couche. On revient dans 2 minutes ensemble, là, je vais qui reste là. Dans tes oreilles, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 31 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Dernier jour du mois de mars. Ah ben oui. Il reste le mois d'avril. Après ça, il va faire chaud. Après ça, il reste le mois de mai. Il y a aussi juin. Juillet va suivre. Ouais, c'est ça. On sait pas trop. On commence, on est tout nouveau là-dedans, dans le domaine des mois. Des mois. Les 12 mois de l'année. Ouais. Tonton va faire son foutu palmarès, la chronique de liste. Je te prépare, entre autres, j'ai regardé ça un petit peu là, rapidement, ce que j'avais. Entre autres, une liste de types de films qui ont été traduits en japonais et ensuite retraduits en anglais. OK. Donc, on vous donne l'exemple. Moi, je vais vous les retraduire en français. Puis on va vous trouver le nom original en français de ce film-là pendant la chronique. C'est bon? Incroyable. Ça va être génial. Ça va être super interactive. Oui! Mais avant ça, en musique, voici une nouvelle entrée de la semaine passée de Unknown Color. C'est Me and I. Assemblage requis. On commence à bien l'aimer, ça. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? Hold on, show me the wrong way. You don't by myself. June and July, they plan to run away, they plan to run away. Oh, I do understand. I would have done the same thing, but I have nowhere to go. Unknown Color et Me and I. Me and I. Oui, toi et toi. Toi et moi et toi. Et moi les et autres. Toi. Moi et l'autre. Moi, de Big Michel. Oui. Hein? Comment on traduit ça? Moi et je. Me and I, c'est bon, je sais pas. C'est comme Me, Myself and I. C'est comme moi, moi-même puis moi l'autre. Mais, moi et moi-même. Oui, moi c'est moi-même. Bien fait. C'est à peu près ça. Bien dit. Merci. Tiens, moi, je connaissais la traduction. Hein. C'est un Brody Days de la traduction. Donc, voici son foutu palmarès. S'en foutu palmarès, la chronique où on établit une liste sur un sujet. Jean-Philippe, on aime ça, cette chronique-là, une fois de temps en temps. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait fait la chronique sur les titres de films américains amenés en France, mais qui avaient des titres anglophones en France, parce qu'ils sont bien au courant, eux autres, de l'anglais, ils connaissent bien ça. Mais c'est pas le même. C'est jamais le même. Titre, comme, mettons, The Hangover, Lendemain de veille, qui en France s'appelle Very Bad Trip. Ouais. Puis il y avait un autre que c'était Very Bad autre chose. Very Bad Santa, Very Bad... Oh là là! Oh là là, Very Bad quelque chose. Donc, aujourd'hui, je vous ai trouvé le top des films américains qui ont été traduits en japonais. Et là, on les retraduit en anglais. Et après ça, moi, je vous les traduis en français. Ah! Oh. tu sais. Oui, puis je suis là, mon clavier est prêt. T'es là pour nous donner les titres francophones que je ne connais pas par cœur. Donc, commençons par The Man Who Stare at Goats. En français, ce serait... Ben là, ça dépend. Au Québec ou en France, ok. Oui. Vas-y avec le Québec, le titre qui a de l'allure. Oui, les hommes qui regardent les chèvres. The Men Who Stare at Goats, c'est les hommes qui regardent les chèvres. C'est clairement la traduction littérale. En France, ils ont choisi... Les chèvres du Pentagone. Les chèvres du Pentagone. Au moins, c'est pas Very Bad Chèvre. C'est ou... tout Very Bad quelque chose. Ou encore... Chevrything must go. Chevrything must go. Tout doit partir. Everything. Ok, celle-là. Pas pire. Ouais, est indéniable, indéclassable. Indéclassable. C'était un classique Mathieu oui. Plante, comme on l'appelle. Donc, non, au Japon, ça s'appelle A Goat and a Man and a Wall End. Donc, une chèvre et un homme et un mur et. Puis pas de suite à ça. Et. Pas de suite. Et quelque chose d'autre. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est selon le site Rocket News 24 qui a démarré ce projet-là. On essaie de trouver donc les titres de japonais et les retraduire en français. Un autre, tiens. Being John Malkovich. Being John Malkovich. Un film américain, mais mettant en vedette John Cusack, Cameron Diaz, évidemment, Catherine. Je la connais pas ça. Donc, Being John Malkovich, est-ce qu'on a le titre en français? Oui, mais c'est dans la peau de John Malkovich. Tu vois, très simple, ça aurait pu être Être John Malkovich. Very bad John Malkovich. Very bad Malkovich. Au Japon, c'est Malkovich's Hole, le trou de Malkovich. Ça, c'est le film qui se passe littéralement dans la tête de Malkovich, littéralement dans la tête, l'orifice cervelet, oui. etc. C'est très joli. On perd un petit quelque chose, mais quand même. Despicable Me, maintenant. Despicable Me, qu'on appelle au Québec Détestable Moi, avec Steve Carell dans la version originale, bien sûr. Donc, au Japon, ça s'appelle Mysterious Thief, Gru's Moon Theft. Donc, voleur mystérieux, le vol de la lune de Gru. J'ai pas vu le film, mais je pense qu'on essaie de voler une grue, une lune. Voilà. Ensuite, Hop, qui au Québec s'appelle Là-haut. Là-haut. Là-haut. Au Japon, s'appelle La maison volante de grand-papa Carl. Oh. C'est pas si mauvais, ça, quand même. La maison volante de grand-papa Carl. C'est pas mauvais. Ensuite, Robot and Frank. Robot and Frank, j'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais ça met en vedette Liv Tyler, Susan Sarandon et James Marsden, entre autres. Robot and Frank... Oui, c'est Robot and Frank. Robot and Frank en français aussi. Au Japon, ça s'appelle Vieux Bonhomme Frank et son assistant robot. C'est pas pire, j'aime ça. The Butler. Évidemment, on a entendu parler de The Butler pour sa nomination aux Oscars avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack encore une fois, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr. Tout le monde est là-dedans finalement. Est-ce qu'on a le titre en français? C'est Le Majordome. Le Majordome, voilà. Au Japon, c'est Les larmes du Majordome du Président. Ah. Moi, ça fait... Ouais, ça, ouais. Les larmes. C'est cute. C'est emotive. Emotive. Final Destination. Destination ultime, si je me rappelle bien. Oui, je pense quelque que chose ça. Comme ça. Mais le troisième au Japon s'appelle Final Dead Coaster. Donc, le manège final. Parce que celui-là, le troisième, se passe dans un manège. Ben oui, oui. Mais je sais pas s'ils ont compris que la série porte des chiffres parce que c'est une série, tu sais. C'est un peu comme... Il y a tout plein de films, et là, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu sais, des films qui ont des suites et que le titre francophone du film est tellement spécifique à l'action du film au lieu d'être plus une série, la suite, ouais. Qu'on a de la misère à l'adapter en français. Le deuxième, il faut juste changer un mot ou trouver une petite twist, mais c'est... Après ça, là, tu te mélanges, t'es comme, ah non, c'est lequel déjà? C'est ça, ça... J'essaie de trouver un exemple, puis ça me vient pas. Il y en a pas aucun qui me vient. Peut-être genre... peut-être les Scary Movie, non? Die Hard. Die Hard, oui. Oui. Ouais, il marche ou crève. Le truc de verre. La prison de verre. Prison de verre, ça, c'est ouais. Le premier. Mais il me semble en anglais, c'est Die Hard 1. Oui, c'est Die Hard. Juste Die Hard. Puis après ça, Die Hard 2, With a Vengeance, quelque chose comme ça. Ouais. Bref, c'est ça, une série et un film en tant que tel. On devrait pas essayer de traduire trop littéralement le contenu du film. La constance du jardinier, le prochain de Constance Gardner au Japon, s'appelle Nairobi Bees, les abeilles de Nairobi. Ah, OK. Étrange. Il y en a plein d'autres sur le site que j'ai mentionné en tout début. C'est tout pour ceux-là, mais entre autres, allez voir rocketnews24.com, le lien sur assemblagerequis.com. On va passer tout de suite, tiens, à 11 films célèbres qui auraient pu être nommés autrement. OK. Tu sais, des fois, quand on nomme un film, on fait un focus group et on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez du titre, est-ce que ça va être que un ça gagnant. Du sens, ouais. C'est ça, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pretty Woman, encore une fois, ça va être une autre liste de films, donc ça se pourrait qu'il y ait des titres en français que je ne connaisse pas, mais Pretty Woman, une jolie femme qu'on appelle en français. Okay. Donc le film qui a rendu Julia Roberts célèbre était supposé s'appeler 3000. OK. Qui était une référence au prix que Vivienne chargeait à Edward pour une semaine en sa compagnie. Ah! Le public. Vas-y, excuse-moi. Oui. Puis là, il se sont rendu compte qu'Eminem allait faire un film qui allait s'appeler 8 Miles. Rapport, mais oui. Rap. Rap. Oh! Wow, Mathieu! Rap. Et elle, c'est une pute whore. Rap whore. Rap whore. Rap whore. On aime ça. Non, mais 3000 8 Miles. 3000 8 Miles. Oui, non, c'était très bon. OK. Mais j'étais pas sûr que tu l'avais compris. C'est parce que tu l'as pas ri, Mathieu. Non, c'est ça. Je l'ai compris quand tu me l'as expliqué. Mais en même temps, comme pendant que tu me l'as expliqué. Merci. Le public test, donc le focus group, trouvait que le titre était trop science-fiction. OK. Comme l'an 3000, etc. Ils ont été obligés de trouver une autre phrase. Et évidemment, la trame sonore du film avait une chanson nommée Pretty Woman, donc on s'était arrangé pour avoir le titre Pretty Woman en 90. Voilà. Voilà. Pas pire. Le film Big avec Tom Hanks. Big, je crois qu'en français, il doit s'appeler Big aussi, parce que je me rappelle pas d'avoir vu un autre titre pour celui-là. Mais bon, c'est un film de 1988 où Tom Hanks fait, dans le fond, on souhaite de devenir plus. De grandir, si on veut. Ouais, je pense que c'est Big. Big aussi. Donc, son souhait est réalisé, il devient un adulte, il devient Tom Hanks. À l'origine, le film devait s'appeler When I Grow Up, quand je serai grand. Je trouvais ça pas mal plus beau que Big, moi. Trouve pas. Ben, ils voulaient trouver un nom plus court, plus catchy, plus accrocheur, donc ils ont choisi Big. Bon. Ça passe bien le mot quand même. The Breakfast Club, celui-là je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est un classique des années 80, donc ce favori de bien des gens, c'est un film culte écrit à l'origine sous le titre de The Lunch Bunch. The Lunch Bunch, pardon, c'est encore mieux, The Lunch Bunch. C'est pas pire ce c'est bunch. C'est Breakfast Club, mais sans des œufs. Sans le « the ». Sans le « the ». Donc, ça aurait pu être « the lunch bunch », donc les gens qui se rassemblent sur l'heure du dîner, si on veut. Après ça, tu te rends compte que c'est vraiment plus dur à dire. « Lunch bunch » ou « lunch bunch ». Panier pléno. Bref, c'est ça, ça rimait. Donc, c'était cute. J'imagine qu'on trouvait ça trop cute. « Breakfast club », les gens se rassemblent au déjeuner plutôt qu'au dîner. Ça rime plus, mais ça devient pas mal plus poétique. Voilà. Quand même. Ensuite, « Scream ». Film Scream. De peur. Film, non, ça c'est l'original. Scream, c'est. Non, attends un peu. Scream, c'est quoi? C'est Frisson, voilà. Frisson, oui. Le film de peur, c'est la parodie. Phew, exactement. Donc Scream, très, très facile comme nom de film. Mais à l'origine, c'était encore pire. C'était Scary Movie, film de peur. Tu vois la confusion? Ah, mon Dieu! Film de peur, la parodie et le titre d'origine de Scream. Incroyable! Mais vrai! Oui. Le réalisateur Wes Craven et le scripteur, on peut pas dire ça en français, donc la personne qui a écrit le texte, l'auteur Kevin Williamson, ont laissé faire le titre auto-référentiel pour quelque chose d'un petit peu moins stupide ou foufou, si on veut. Donc, ils ont trouvé peur. Scream. J'allais dire peur, c'est cri. Hitch, avec notre ami Will Smith, qui je crois s'appelle aussi juste Hitch. À l'origine, devait être le titre de cette comédie romantique, ça devait être The Last First Kiss, le dernier premier baiser. Ah. Les gens du studio de production trouvaient que c'était trop quétaine comme titre, vraiment, et je les comprends tout à fait. Le dernier premier baiser, on s'attend à un film à l'eau de rose pour public plus féminin, et ça allait décourager un public masculin. Et puis Hitch, le titre original, ouais. Au Québec, ça a été traduit, ben en fait, c'est la même chose, Hitch. Ouais. Et puis tu veux savoir c'est quoi en français? Oui, j'étais excité. Hitch, expert en séduction. Oh, expert en séduction, ouais! Ouais, je te le dis! Du coup, je suis expert en séduction, du coup! À Paris! Ah, tu m'énerves! Donc, on sait pas si ça a eu l'effet désiré d'attirer. Mais pourquoi ils ont rajouté ça? Tu sais, ils ont gardé le Hitch. Sérieux! Ah! Sérieux! Hitch back! Ouais, genre un hatchback. Coupé. Snakes on a Plane. Oui. On s'entend, c'est un des titres les plus parfaits du monde. Snakes on a Plane avec Samuel L. Jackson, évidemment. Donc, Snakes on a Plane, à l'origine, devait s'appeler Pacific Air Flight 121. Donc, vol de Pacific Air 121. C'est plutôt ennuyant. Tu sais, comme oui, titre. Quand même. Ça n'a aucun rapport avec les serpents et aucune raison d'aller le voir, là. Il dit que le titre est ce qui a attiré mon attention, ça c'est Samuel L. Jackson. Donc je suis arrivé sur le plateau, là on parle du titre original Pacific Air Flight 121. Donc je suis arrivé sur le plateau, il l'avait changé. Et puis je leur ai dit, là, c'est Jackson qui parle, qu'est-ce que vous faites là, c'est pas Gone with the Wind, là. C'est pas On the Waterfront, c'est Snakes on a Plane. Snakes on a Plane. Donc c'est ça. C'est ils ont bien fait, ils ont vraiment bien fait. Ils ont bien fait. Oui. Ben, encore une fois, Mathieu, c'est, la en version France. Québécoise des serpents à bord. Ouais. Et puis, en version française, c'est des serpents dans l'avion. Des serpents dans l'avion. Oui, un peu comme... Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Oui, ou dans Histoire de jouer. Il y a un serpent dans ma botte. Ah, ben d'accord. Bon, excusez. Ensuite, Alien. Alien, le film d'extraterrestres, bien sûr. Donc, on s'est dit, moins de mots, c'est mieux. Mais à l'époque, ça devait s'appeler Star Beast. Ah, on dirait un titre de dessin animé japonais. Oui, vraiment. Star Beast. Ou, tu sais... Star Beast. Non, je sais pas. Ou une sorte de bonbon. Ah oui! Un Starburst. Oui, c'est ça, exact. Est-ce qu'il y a un titre en français pour Alien? Attends, je suis vraiment curieux. Là. Soudainement, je veux tout savoir parce que tous les titres français sont tellement mauvais. En tout cas, si tu trouves, tu me diras. Annie Hall est le prochain. Annie Hall, le classique de Woody Allen, comédie romantique, qui a eu plusieurs noms pendant la production. La suggestion originale de Woody Allen était anhedonia, un terme médical qui fait référence à l'incapacité de vivre du plaisir. Mais on trouvait ça pas assez marketing et imprononçable. Un petit peu, vous avez vu que je me suis trompé tantôt en le disant. Le co-auteur Marshall Brickman... Ensuite, offert une série de suggestions qui étaient plus probables de faire plaisir aux fans, si on veut, mais ça allait pas avec le ton du film. Donc, on avait « It had to be Jew », comme « It had to be you », comme la chanson, mais à la place, se remplace par « Juif »,« Jew » au lieu de « You ». C'est génial. C'est beaucoup trop jeu de mots et beaucoup trop quand même, hein? Juif. « Roller Coaster Named Desire », donc au lieu de « Tramway nommé désir », c'est un manège nommé désir. Et « Me and my guy », celui-là, j'avoue que je ne comprends pas. Peut-être « Me and my guy » ou « And my boy », mais « guy », c'est un terme juif. Donc, quand le film s'est rendu au test screenings, donc à se montrer devant le public, c'était « Alvy and me », ainsi que « Anxiety », angoisse, si on veut. Avant de devenir Annie Hall, qui, j'imagine, est le nom du personnage. Ensuite, on y va avec « Blade Runner ». Oh oui. Blade Runner, film de thriller de Ridley Scott, basé sur un livre de Philip K. Dick. À l'époque, le livre s'appelait, et s'appelle encore aujourd'hui, j'imagine, « Do Androids Dream of Electric Sheep? » Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Les androïdes, c'est donc des gens pas humains, mais plus robots. Est-ce qu'ils rêvent à des moutons électriques? Donc, c'était super poétique, c'était même provocateur, certains disaient. Mais le studio trouvait que ce nom-là était un petit peu trop long, serait difficile à vendre, et donc la production a passé à travers une série de noms, de titres en un seul mot. On est passé de Android à Mécanismo avant de choisir Blade Runner. Moi, je dirais que c'est plus deux mots, Blade Runner, mais bon. Ouais, c'est pas mal en deux mots. Ouais. Blade Runner, quoi de neuf, ton bar? Est-ce que tu vois? Non, c'est correct. Rien de bon. Tomorrow Never Dies de James Bond. Oui, demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. L'écrivain Bruce Feierstein a dit avoir été inspiré par pour la structure du titre, il avait été inspiré par les chansons des Beatles, par exemple Tomorrow Never Knows. Donc le rythme, la cadence de Tomorrow Never Knows, Tomorrow Never Dies. Donc il avait entendu ça à la radio pendant qu'il travaillait sur le script. Par contre, le nom est né. Attends un peu. Le nom qui est né de cette inspiration à la base était Tomorrow Never Lies. Demain ne ment jamais. Oh. Donc le Tomorrow était le journal fictif du même nom dans le film, le Tomorrow. Mais une erreur de fax lors de la production du film a amené une suggestion non intentionnelle de Tomorrow Never Dies, donc une erreur de fax. Et c'était trop bon pour être vrai. Donc ils l'ont gardé. Bon. Génial, hein? Et finalement, retour vers le futur, Back to the Future, évidemment. L'écrivain Robert Zemeckis avait écrit ce script-là sous le titre qui a plus tard nommé vraiment le film. Donc, à l'origine, ça s'appelait vraiment Back to the Future. Par contre, pendant la production, Sidney Sheinberg, un exécutif haut placé, a suggéré de changer de titre pour Spaceman from Pluto. OK. Un homme de l'espace qui provient de Pluton. Oui. disant que le mot futur allait faire que ce serait pas un succès, finalement. Donc, Steven Spielberg a empêché ce désastre-là en faisant semblant que tout ça n'était qu'une grosse blague. Et Sheinberg était trop gêné pour le corriger. Donc, il a fait comme, « Ben oui, c'est une joke. Spaceman from Pluto, c'est tellement drôle. » Et le gars fait comme, « OK, moi, ouais, je suis gêné. Je vais lâcher mon idée. » Ouais, pouf. Ça s'est donc appelé Retour vers le futur. Une chance! Ben oui, une chance. On s'entend que c'est un très bon titre. Ah oui. Donc voilà pour cette première partie de Son Foutu Palmarès. Génial. Tout à l'heure, on aura une autre partie avec 11 chansons thèmes d'émissions de télé qui ont changé en cours de route. Et ça va être vraiment pour moi, ça. Parfait. J'aime beaucoup les chansons thèmes d'émissions de télé. Au début de la chronique, j'ai dit que j'étais un as de la traduction. Hein. Donc ça n'a pas vraiment le choix de mener vers Broody Days de Mange l'ours mange. Mais oui, tout de même. Un classique. On l'aime trop. Purger la planète, peut tout marcher boursier. Retour de deuxième partie de Son Foutu Palmarès, on va parler entre autres de chansons thèmes qui ont changé, aussi de gens, de personnages populaires d'émissions de télé qui ont changé d'acteurs, de gens après leur pilote. C'est au retour à Assemblage Rocky. Mm-hmm. Mm-hmm. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Yo, yo, yo, what's up, bitches? Bon retour à Assemblage requis. C'est Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce matin. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Blanc. On est ce matin. As-tu entendu, j'ai fait un petit... Non, j'ai pas entendu. Ouais, c'était cute, tu réécouteras l'enregistrement. Dans les meilleurs moments. Ouais, c'est certain, ça. Donc, dans cette dernière vingtaine de minutes, on va faire un petit deuxième bloc de Son Foutu Palmarès. Je vous réserve quelque chose de très intéressant, mais de très, très américain. Donc, plusieurs d'entre vous ne comprendrez rien. Vous allez en apprendre des choses. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, c'est Jacques Mort et Squelette de bois. Ah, c'est fou. Trouvé sur une plage. Jacques Mort. C'est ça, hein? Ouais, squelette de bois. Ouais, oui. Squelette mort. J'ai vraiment paniqué, là. Squelette mort de Jacques Bois. Mais oui, igloo. Du calcium? Du gain? Hein? Ben, c'est un squelette. Il boit du lait. Moi, pour le calcium, pour rester. Pour que ses os soient vraiment. Vu que t'as juste des os, tu veux en prendre soin, c'est ça? Donc, ce qui nous amène à une deuxième partie de le Sauf Foutu Palmarès. C'est son foutu palmarès. Deuxième partie, on en parlait tantôt, on avait des choses de cinéma. Tu te souviens, tantôt on parlait de cinéma. Ben oui. Là, on va parler de télé plus. Parfait. Parce que tu sais, notre connexion là, avec les émissions de télé, là. Pas toi et moi. Là. Non, mais Mathieu, je t'ai senti là-dessus. Là. Mathieu, sa TV. Ouais, vrai. Mais vraiment, il y a eu une. J'ai vécu le moment. Le momento. Oui, comme on dit. Des biscuits à ne pas essayer en passant. On en a parlé jeudi. Donc, on est accrochés à nos émissions de télé, non seulement à cause des personnages et des acteurs, mais aussi à cause des chansons-thèmes. Je crois que c'est le cas. Comme The Price is Right. Ils ont essayé de la changer un petit peu plus latino il y a quelques années. Puis, ça marche pas. On la veut, on veut la vraie chanson thème. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux remixer un peu des fois, mais pas trop. On aimerait ça ici remixer, mais apparemment qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire remixer une chanson thème. Ah ben, c'est ça. Donc à la place, il y a des chansons de thèmes d'émissions de télé qui sont changées. OK? À travers les années. Et on va en donner quelques exemples dans cette chronique-là, n'est-ce pas merveilleux? Mais oui, j'adore ça. Hein? Donc on va commencer avec un classique des années 70, c'est Happy Days, des jours heureux. Donc voici la chanson thème originale de cette émission-là, Happy Days, avec entre autres Henry Winkler, un classique. Vous allez reconnaître, c'est sûr. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Hey, glad John, join behind. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Donc évidemment, on reconnaît plein d'acteurs là-dedans. Tom Bosley, entre autres, dans le rôle de Howard. C'était la chanson de Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock, qui ouvrait la première saison de Happy Days. Très étrange de voir ça. C'est la façon que l'intro est filmée, en plus, je trouve ça vraiment cool de voir... Il y a une fille qui perd son extension de cheveux dans ça. Oh! On remarque que les chansons étaient très longues aussi, 1 minute 35 quand même. Là, on est encore sur le début de la chanson thème, c'est ça? Oh. Ah, c'est bon. Mais évidemment, c'est devenu plus tard et vous connaissez, si vous connaissez l'émission, Happy Days. Happy Day. My gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Seems so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Oh! Et le générique était super plate, on voit juste des photos des gens. Il n'y avait absolument rien d'autre à ce moment-ci. Chanson thème de 2 minutes 15, plus courte un peu, c'est par le duo Pratt and McLean en 1976. Ah! Yeah! On dirait que ça commence bien une... D'après moi, c'est un montage de la vidéo qu'on regarde ici parce que on voit beaucoup, beaucoup trop de personnages. Je pense que c'est comme une compilation de tout le monde qu'il y a eu dans l'émission à la série. Je comprends que... C'est pas très véridique, mais bon, Happy Days, j'adore cette chanson thème-là. Une que peut-être que les plus, mettons, les jeunes trentenaires de notre public qui écoutaient des émissions américaines à l'époque, sur The WB, il y avait la série Felicity. On connaît la chanson thème la plus récente. Je pense que ce serait plus logique d'y aller avec la version qu'on connaît en premier. OK, vas-y. Bon, Felicity. Très, très émission de filles. Avec Kerry Russell. A new version of you. Et le beau Scott Speedman, oh oui. C'est cheesy. Mais ça. A new way home. Don't remember. Don't remember. New version of you. Right. Scott Foley était là-dedans. Ah. Qui était à souhait, mais écoutez la première version juste pour voir la différence entre les deux. C'est une émission de J.J. Abrams et Matt Reeves. En passant, J.J. Abrams le même que Lost. D'où son utilisation de Greg Grunberg. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste du petit chant lyrique. Ouais, hein? Mathieu, je pense que ça m'inspire quelque chose. Ah ouais? On devrait changer notre chanson thème de du matin. Au lieu d'assemblage requis pour toi aujourd'hui, on devrait y aller dans le... C'est atroce! Ah, oh, j'aime ça! Oh. On devrait la faire au complet. Okay. OK, attention. Ah non, non, attends, attends. Un je requis pour toi. Oui, oui, pour toi. Mathieu, JP, JP, Stéphanie, mercredi, jeudi. Mais vendredi, on est off. Meilleur moment. Yeah. Juste à nous écouter, j'ai un semi-croquant, Mathieu. C'était meilleur la première fois. Oui. Donc, ça a commencé en septembre 1998. J'ai chaud. On dirait que je suis gêné. Les deux premières saisons, mettant en vedette Judith Owen, c'est elle qui chantait la chanson d'âme de Felicity. Et les deux dernières saisons, c'était la chanson New Version of You de J.J. Abrams et Andrew Jarecki. La série a changé son ouverture pour montrer le changement de Felicity Porter quand elle a coupé ses cheveux. Ça a fait vraiment fureur à ce moment-là. Elle a coupé ses longs cheveux bouclés. C'était vraiment beaucoup plus beau quand elle avait les cheveux longs. Une autre, tiens, que tu vas reconnaître dans sa nouvelle version, tiens, pour commencer. Non? À date, non? À date, non? Petit piano? Le beau David Hasselhoff. Et une ribambelle de jolie jeune femme. Il aurait pu juste écrire ça dans le générique. Et une ribambelle de jolie jeune femme. En bas de l'écran, juste une ribambelle. On s'en fout. Ça me faut que ça passe vraiment vite de... en texte. Mais après ça, tu vois juste des shots de leurs seins et leurs fesses sans cesse courir sur la plage. Mais c'est ça, en fait, le générique. Parce que ça dure un bon 2 minutes, le générique d'ouverture de la saison 2. Erika et Lignac. Je sais pas si c'est la saison avec Pamela J. Anderson et autres noms de famille de ses maris. Pourquoi est-ce qu'on voit le petit garçon de 10 ans courir dans l'eau? On n'a pas besoin de voir ça. C'est un accessoire, le petit garçon de 10 ans, tu sais. Ouais, non, c'est troublant. C'est la saison où il n'y a que des hommes dans la distribution. C'est quoi ça? J'ai vu une fille à date. Le reste, c'est tous des vieux monsieur de la 40, 50, 60. Je dis pas que vous êtes vieux, là. Mais... vous êtes pas des jeunes de Baywatch, là. C'est pour ça que je voulais dire. Si vous vous sentez reconnu. Baywatch, donc ça c'est la version la plus récente, celle qu'on connaît tous, mais à l'origine, savais-tu que la saison 1 était très très très différente? Ok. Très différente. En 1989, la chanson Save Me par Peter Cetera. Comme etc., mais si c'était appelé Etch, ça serait parfait. Oui, il y a de la baisse là-dedans, hein? Quand même, hein? Il y a encore des gens qui courent, par contre. Et les gens qui sautent dans l'eau. Beaucoup de vues de la plage de loin. Wow, on dirait le groupe Man Without Hats. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a quelque chose qui me fait penser à ça. C'est Men with casquette de plage. Oh, des fesses, des fesses. Oh, oh des foufounes. Encore David Hasselhoff en chess. Yeah. Donc la chanson Save Me de Peter Cetera, Bonnie Raitt à la guitare. NBC a retiré l'émission après seulement une saison en 91. Baywatch a ensuite été relancé en syndication, donc ça c'est sur les stations locales. Les producteurs ont changé la chanson d'ouverture pour I'm Always Here par le rock band Survivor. Et la vedette de Dave, donc la vedette de Baywatch, David Hasselhoff, a performé la chanson thème de fermeture. On l'a écouté dans une précédente chronique. Oui. C'est tellement malade, il y a tellement de bass que ça pique. Ça pique dans notre console. J'espère que non, vous avez ça. Non, mais sont... ça on l'entend, là. On dirait que c'est trop. On dirait que. La personne qui a fait ça ne pouvait pas supporter toute cette baisse. C'est ça, on le ressent. Oui. Ensuite, je saute évidemment les émissions qu'on connaît pas. Une qui pourrait vous surprendre, c'est Beverly Hills 90210. OK. C'est vrai, on écoute la version qu'on connaît tous. Aussi beaucoup de baisse là-dedans. Et beaucoup de baisse dans cette école secondaire. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. En stéréo là où disponible. Présenté en Dolby Surround, marque de commerce. Mettons en vedette. Jason Priestley. Shannon Doherty. Jelly Guard. Et lui, il dit son nom. Ian Ziering. Ah, OK. Non, pas Ian. La nerd qu'on n'a jamais revue, Gabrielle Carteris. Oh, bah boy, Luke Perry, toi. Luke Perry. Le beaucoup trop hot, selon lui-même, Brian Aston Green. Et Tori Spelling. Ainsi que les parents dont on se fout complètement. Pourquoi mettre les parents en générique? Merci aux parents des enfants. C'est écrit évidemment par Darren Star. Beverly Hills 90210 qui avait une séquence d'ouverture pour la première saison, un petit peu plus jazz, disons. On voyait quelqu'un livrer le courrier dans le Minnesota pour illustrer la famille des Walsh qui ont déménagé ensuite pour la Californie, le sud de la Californie. Donc on voyait la transition entre les deux endroits où ils habitaient. C'est l'idée de la première saison. J'avais aucune idée qu'il y avait une deuxième chanson thème pour ça. Waouh! Et la carte postale est écrite Beverly Hills 90-210 et c'est sur la carte postale qu'on zoome pour montrer le titre. Oh. C'est beau. On voit les jeunes gens manger des hamburgers au barbecue. Dans le temps que ça venait de sortir. Des barbecues. C'était tout nouveau. Eh ben c'est bizarre. La séquence qui a été changée pour la deuxième saison, la chanson qu'on a entendue justement, donc celle qu'on connaît le plus, c'est la mélodie Hip Rock de John E. Davis. Et les gens qui s'amusaient à la plage, alors que dans la saison 1, c'était plus des gens qui s'amusaient en famille, à la maison. C'est pas mauvais par contre. Il y a tellement de gens dans la distribution qui sont pas revenus dans la saison 2. Je regarde ça, là. On les reconnaît pas même. Hein. Ah, et la famille qui s'embrasse à la fin, c'est toujours ça. Hein. Trop cheesy. Mais ils regardent pas la caméra, étrangement. Je me serais attendu à plus de regardage de caméra avec cette chanson-là. T'sais. Ou un baiser entre les parents. Encore des câlins. Un autre câlin. Que de câlins. Hein. Ah, et là, à la fin, la fille remet des lettres sur le présentoir, la boîte aux lettres. Genre. Oh. Et ça revient comme au début avec le facteur. Ah, que c'est beau! Je sais pas, Mathieu. C'est bon, moi non plus, je suis pas sûr de ça. Il y en a un paquet d'autres que je pourrais vous mentionner. J'essaie de vous trouver celles qu'on connaît peut-être un petit peu plus au Québec. Je pense que si je saute The Drew Carey Show et Family Matters, personne ne va m'en vouloir. Quoique, Family Matters, qui avait une chanson un petit peu plus cheesy, sitcom des années 90, je pense que ça pourrait valoir la peine. Ça, c'est la version qu'on connaît, pour ceux qui connaissent ça, de Family Matters. It's a rare condition this day and age. Et là, les gens regardent la caméra ou font semblant de regarder juste à droite de la caméra comme dans Barouille. Toutes les sitcoms. Le fameux truc de la droite. Voilà. Tourne la tête à droite, il y avait un sketch de ça quelque part. Well, then there must be Et on voit évidemment chaque personne faire ce qui les caractérise, donc emballer de l'épicerie pour le gars, jouer avec des poupées pour la fille, le petit bébé sur la cuisse de sa... Des gens normaux, des comme gens normaux. Vous et moi. C'est votre famille, oui. Mais en plus drôle, sûrement, c'est la gare. On les voit faire du vélo sur un pont, en famille. La voix grave du chanteur, là. Oh! On voit qu'ils ont cassé une vitre et l'effet sonore est dans l'intro, quand même. Mais c'est pas grave. La famille va être encore plus proche après. C'est ça. Plus soudée. Et au dernier acte de la sitcom, tout va être réparé. Ben oui. Et pardonné, bien sûr. Donc ça, c'est une sitcom familiale comme ils s'en faisaient des milliers à l'époque. Mais leur chanson thème originale va vous surprendre, j'en suis certain. Toi, tu vas même pas te douter de ça. Écoute ça. Est-ce que t'en reconnais? Ben là, oui. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Et le générique d'ouverture est très similaire à celui des saisons subséquentes. Par contre, tout est plus lent, on dirait. Les gens se présentent à la caméra, comme toutes les sitcoms, mais c'est fait plus lentement et la fille joue du piano plus tranquillement. Tout a été comme plus coupé, serré ben oui. Dans la version plus récente. Donc, c'était évidemment ça, la chanson « What a wonderful world » de Louis Armstrong. Ouais. Qui présentait la première saison. Il aimait ça, dans ce temps-là, prendre des chansons. Ça fait 2-3 là, qu'on entend. Des grands titres. Des classiques. Je me demande si ils se sont dit on va prendre un classique jusqu'à temps qu'on soit capable de se payer une nouvelle chanson. Parce que la version de la saison 2 et plus, c'était As This Go By de Jesse Frederick, qui est le même qui a écrit la chanson thème de Full House et un paquet d'autres sitcoms familiales des années 90. Donc, en fait, je me suis trompé, c'est pas la première saison qui était What a Wonderful World, c'est les 5 premiers épisodes de la saison 1. Ah, OK. Donc, à l'intérieur même de la saison, ils avaient changé. Et la chanson As Days Go By, donc la version la plus connue, a été enlevée pour les dernières saisons quand la sitcom a déménagé de réseau. Il y avait juste, je crois, pas de chanson thème à ce moment-là pour Family Matters, ce qui est triste. J'aime pas les émissions qui n'ont pas de chanson thème. Oh, yeah! Ah, ensuite, tu connais évidemment notre ami Chuck Norris dans Walker, Texas Ranger. On l'a fait jouer récemment pour dire que c'était le gars qui chantait, l'acteur principal Chuck Norris chante sa propre chanson. Oui. In the eyes of a ranger, c'est lui qu'on entend ici, Chuck Norris. Unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Je comprends pas le choix d'avoir demandé à Chuck Norris de chanter sa propre chanson. C'est pas comme si c'était écrit genre à la fin de générique chanson chantée par Chuck Norris, c'est que ça change rien d'y faire chanter ça. Mais à la première saison, c'était pour la première saison ainsi que le premier film télévisé, c'était Turk Wilder qui avait composé la chanson thème que voici. J'aime mieux ça. C'est Kitten à mort. Ouais, c'est vraiment kitsch. Bon, c'est la moitié de la deuxième saison qu'ils ont changé pour l'autre version. Mais je sais pas, l'autre avait un petit je ne sais quoi. C'est vrai. Un petit c'est quelque quoi, chose. Ils sortent ça, hein, de se donner des baffes. Oui. Pourquoi mettre les effets sonores des chiffres dans le générique? C'est bizarre, hein? Des baffes. Et l'autre, il y a un gars qui applaudit, un des membres de la distribution. Mais il lui, on l'entend pas. On l'entend pas, il est pas assez important. C'est Chuck, lui, ses sons sont assez forts pour qu'on les entende. Chuck Norris, c'est tellement fort qu'on entend ses sons dans le générique. Ouais. La deuxième chanson la plus récente qu'on a entendue juste avant, c'était celle de Gerald Immel, Eyes of the Ranger, chantée par Chuck Norris. Et une des émissions, je vais me gâter avec celle-là parce que c'est une de mes émissions fétiches, c'est Boy Meets World, Incorrigible Cory en français, qui a eu pas moins de 4 intros. Donc écoutons celle de la saison 1 qui est très très quétaine. Tout est en dessin animé, en petit dessin qui revole partout. On voit des mythes de baseball, des règles, des livres, des crayons bouger. Et là on voit les gens de la distribution évidemment se virer vers la caméra et faire bonjour. Ah ouais. Là. Émission qui va revenir. On a déjà dit, on a déjà parlé de ça dans la chronique Television au Mathieu Plancheau, que l'émission Boy Meets World va revenir, mais va porter le titre de Girl Meets World. Oh. Dans les prochains mois, c'est, je crois, à l'été que ça va commencer. La plupart des gens sont de retour, les personnages principaux sont de retour dans cette série-là. Oui, la caméra, salut! Salut, caméra 3! On lance des avions de papier vers la caméra. Oh. C'est beau. J'aime la variation dans la chanson, il y a beaucoup quand même. Tu sais ce que ça me fait penser, cette chanson-là? Quoi? T'as-tu déjà vu ça, les gens qui décorent leur maison de Noël, là, puis ça fait genre, ça flash avec de la musique? Oui! Mais on dirait que c'est ça. Oui. Ah, maison. Oui. Ça a changé ensuite pour devenir l'intro de la série. Ben, il y a eu plus. En fait, je dis qu'il y a eu 4 intros, il y en a eu plusieurs autres entre les deux, mais c'était plus des petits indicatifs de genre 5 secondes. On y va avec la vraie intro de la saison 4 maintenant. La plus connue, celle qui a été rajoutée partout, par-dessus les épisodes subséquents, ils ont remplacé par cette intro-là. Pas subséquent, mais précédent. Bon, on connaît quand même, ils ont gardé le fondement, la base. Oui, de la première. Petite mélodie, ouais. En effet. Mais même les épisodes de la saison 1, quand ça repasse en reprise, c'est cette chanson-là ici. Aha. Ensuite, à saison 5, c'est là que c'est devenu un petit peu plus genre Friends pour enfants. Voilà, c'est plus sitcom classique. Ouais, ouais, ouais. On s'en va dessus. Ouais. Les premières chansons qu'on a entendues, celles qui étaient plus instrumentales, ont été composées par la même personne. C'est Rick Colcord qui a écrit donc la musique de transition entre les scènes, la musique qui crée l'ambiance. À la saison 4, la chanson a été changée pour quelque chose d'un petit peu plus pop upbeat par le groupe d'instrumental Rock Surf. Donc le même groupe en fait. Ah, je savais pas ça, que c'est Colcord qui était dans ce groupe-là qui faisait la chanson thème la plus récente. Et puis à la fin, pour les trois dernières saisons, le rocker Phil Rosenthal a composé la nouvelle chanson de Boy Meets World. Voilà. Alors qu'on avait changé un petit peu de démographique, qu'on cherchait un public un petit peu plus âgé. Voilà. Donc pour son foutu palmarès, édition chanson thème d'émission de télé. Incroyable. Très très américain. Désolé pour ceux qui comprennent absolument rien de ce que je dis. Ben non, c'est correct. Ben, c'est on est du plaisir pareil. Ben on a eu du fun. Ben ouais, on a écouté Chuck Norris chanter. Ben oui, c'est ça. C'est ce qui va terminer son foutu palmarès. On fait ça une fois de temps en temps à Assemblage requis. Et ça va terminer l'émission aussi. Oh! C'est bien, bien triste de le faire à tous les jours, mais ne vous en faites pas, ça va être comme ça pour toutes les émissions que vous écoutez dans la vie. C'est ça. Ça a une fin éventuelle. Oui. Donc on remercie qui attend un peu que je réfléchisse à qui on a eu aujourd'hui. Personne du tout. Toi, Jean-Philippe Charbonneau. Et toi, Mathieu Plante, t'as eu beaucoup de plaisir. Merci, oui, c'était le fun. Belle fun. Demain à l'émission, on va voir PRNDS, la chronique de voiture avec Jean-Samuel Gué à partir de 7h30, dès le tout début de l'émission. Ensuite, on va voir notre ami Marie-Laurence Audet. Oui. Le loisir. Bien plus qu'un jeu. Énormément plus. À 9h, Alexandra Carignan va être là pour le temps des cultures. Soyez-y, c'est demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes parce que le lundi, c'est tellement varié. On va voir à 11h le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, les précieuses ridicules. À 16h, à vous micro. 18h, raconte-moi ta ville. 19h, le voyage insolite. Mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera si devrait arriver l'émission de variété à 10h juste. Génial. Voilà, cif.ca pour la programmation complète, Mathieu. Assemblagerequis.com pour les balado-diffusions et les notes de toute l'émission. Il y a plein de monde qui viennent me dire « Ah, ben, je peux-tu réécouter ma chronique? Ouais. » Ben oui, c'est facile. Assemblagerequis.com. Tout est là. C'est le don de l'émission avec un point .com à la fin. Pas me semble que c'est un classique. C'est ça. À demain, JP. Bye, Mathieu, à demain. Bonne journée.